Unité 4. Page d'ouverture. Activité 2 et 3. Page 73. Piste 54. Aujourd'hui, on va dessiner dans le jardin de l'école. D'accord, on y va. 2 minutes après. Qu'est-ce que tu dessines, Hugo ? Un ciel bleu. Et toi, Cathy ? Moi, je dessine des fleurs. J'aime bien les couleurs. Et toi, Alice ? Moi, je dessine un arbre.